La tendresse s'est retrouvée au coin d'une rue. Un ami qu'on croyait perdu s'est oublié pour un instant. Le bruit, la foule et le présent. C'est revivre à l'envers les printemps, les hivers. Dans une chambre d'hôtel, au papier tout jauni, c'est être bien conscient que tout ce temps a fui. La tendresse, c'est faire l'amour au petit jour après un sommeil bien trop lourd. C'est vouloir arrêter les heures en sachant qu'il est déjà l'heure. C'est se tenir par la main, le petit bout de chemin. En bas dans la ruelle, au printemps tout fleuri, c'est être bien conscient qu'ainsi va la vie. La tendresse, c'est se jurer, c'est se promettre qu'on va se revoir, ça sera la fête, et ne laisser plus les années pour autant de temps nous séparer. C'est rêver de voyage, de Paris en campagne, et de chambre d'hôtel au papier tout fleuri. C'est désirer très fort d'aimer la vie. La tendresse, c'est se dire que rien n'est foutu. Y a deux cœurs qui battent dans la rue. Accordez-vous, vous les violons, car elle est bien née, ma chanson.